You know, sur Radio Contact. Hello tout le monde, un milieu de semaine aujourd'hui, il est 6h. Justin, tous les jours dès 13h sur Radio Contact. Melcy qui fait partie évidemment des Spice Girls, le groupe britannique qui a d'ailleurs fêté ses 20 ans de carrière il y a quelques mois. Et d'ailleurs, il est prévu qu'elle retourne en studio et enregistre un morceau. Donc voilà, on n'a pas plus d'infos pour le moment. On vous en fera part dès qu'on aura reçu toutes les infos. Radio Contact. We got it. Les vendredis et samedis soirs, Contact R&B, c'est Contact R&B sur Radio Contact. Contact R&B. Du son R&B. Contact R&B 100% R&B. Tous les vendredis et samedis soirs, minuit, 2h du mat. It's Contact R&B. Contact R&B sur Radio Contact. Ellie Goulding est passée par les studios de Radio Contact. I had a heart then, but the queen has been overthrown. Oh, and I'm not sleeping now. The dark is too hard to beat. And I'm not keeping up strength I need to push me. You show the lights that saw me turn to stone. Oh, I shine it when I'm alone. And so I tell myself the hope is strong. And dreaming when they're gone. Cause they're calling, calling, calling me home, calling, calling home. You show the lights that stop me turn to. Vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Du lundi au vendredi, 16h-20h sur Radio Contact, c'est David Antoine. Il y a un truc que j'aime pas faire, c'est trinquer. Oh, non mais il y a des gens qui le prennent mal si tu regardes pas dans les yeux. Bah, ce qui est, c'est qu'en général, si tu regardes pas dans les yeux, c'est 7 ans de malheur au lit, c'est ce qu'on dit. Oui, hein. Bah, et toi, t'es déjà quand même à plus de 700 ans, donc, donc voilà. David Antoine, 16h-20h sur Radio Contact. Le président de la Cour leur a demandé de retourner en salle des témoins pour corriger leur exposé. Aujourd'hui, on entendra des témoins de moralité, le plus attendu, l'amant de Véronique Pirotton, cet après-midi. Elle l'a promis devant les parlementaires en commission économie de la Chambre hier après-midi. Marie-Christine Marguem, la ministre de l'Énergie, fera tout pour récupérer le solde de la redevance due par Engie, Electrabel et EDF pour la prolongation de la centrale de Tiangin. Ce solde s'élève à 3 millions d'euros. Charles Michel, le Premier ministre, s'est entretenu avec son homologue britannique Theresa May hier par téléphone. Il était question du Brexit. Les deux chefs d'État ont évoqué les relations entre leurs pays, ainsi que la coopération économique et la lutte contre le terrorisme. Enfin, on passe au sport, football, avec cette lourde défaite du club de Bruges hier lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. Les Brugeois ont été écrasés par Copenhague 4-0. Le club n'a tout simplement rien pu faire face à une équipe bien en place, le gardien Ludovic Butel. C'est une autre exigence, c'est un autre niveau, on le sait très bien. Voilà, on lutte avec nos armes, on lutte avec, avec le cœur, mais voilà, ça ne suffit pas. Donc il faut ce petit brin de chance aussi. Voilà, contre Leicester, si Josque il marque sa première action, le match change. Et voilà, et ce but contre Hautecamp a changé la physionomie du match. C'est dommage. Donc maintenant, il ne faut pas baisser la tête, il faut continuer à se battre. Voilà, il reste 4 matchs. L'objectif, c'est essayer de prendre des points et on verra par la suite, mais pas avoir de regrets. On a lutté toute la dernière pour jouer cette compétition. Je pense qu'elle est magnifique à jouer. Donc faut profiter, faut montrer un autre visage et essayer d'avoir un petit brin de chance pour les prochains matchs. Et le club qui est maintenant dernier de son groupe ce soir suite de cette deuxième journée de Ligue des Champions avec notamment l'Atlético Madrid de Carrasco contre le Bayern Munich. Frérot de la Vega arrive sur Radio Contact, le cœur éléphant. Pour un réveil tout en douceur, la météo pour aujourd'hui. Alors des éclaircies ce matin, ensuite les nuages vont revenir à partir de la côte apportant avec eux quelques gouttes de pluie, mais le sud-est sera épargné. 18 à 22 degrés pour les températures. Merci Pauline, à dans 25 minutes. Frérot de la Vega, il sera en concert d'ailleurs le 11 mars prochain à Forêt Nationale. C'est un événement Radio Contact, ne manquez pas ça et retrouvez la liste des concerts Radio Contact sur notre site internet www.radiocontact.be. Bon réveil. Au-delà des orages, je pars en voyage. Mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Les épaules des géants, le cœur éléphant, voir au-delà de nos vies. Poser sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant, voir au-delà de nos vies. Le cœur ébahi, goûter la voie lactée. Le cœur léger, le cœur léger. Pour faire pencher la vie du bon côté, le cœur léger, voir les uns comme les doigts d'une main qui construit pour toi et moi nos utopies. J'ai le cœur éléphant énormément. J'ai le cœur éléphant. pars en voyage. Mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. Frère de la Vega et le cœur éléphant sur Radio Contact. Le replay. Le replay de JC, c'était hier. Alors, pour ceux qui nous rejoindraient, peut-être êtes-vous un nouvel auditeur, on ne sait pas. Ah mais oui, on en accueille tous les jours. Voilà, voilà, tous les jours, vous êtes nombreux à nous rejoindre. Donc, alors, ce qui se passe en fin d'émission, c'est que JC regroupe le meilleur du pire de l'émission. Voilà, les trois meilleurs pires moments de l'émission entre 6h et 10h et c'est diffusé aux alentours de 9h45. Du coup, on se le refarcit encore le lendemain à 6h10. Exactement. Oui. Et c'est maintenant sur Radio Contact, écoutez. Le top 3 des auditeurs. Avec voilà. Celui que vous aimez, celui que le monde entier tente de nous racheter, mais il n'est pas à vendre, c'est JC. T'as eu des demandes, toi ? J'ai rien eu, hein, perso. C'est pour le flatter, mais en fait, j'ai d'accord. Pas de demande du tout. Hein, donc, Voici donc le top 3. Oui, dans le top 3, ce matin, un retard, un de plus pour moi, bien sûr. Ah, bah voilà. Ouais, du crépage de Chignon. Et alors, enfin, pour terminer, enfin une bonne blague de Gary. Allons-y. Numéro 3. Maria en retard pour la énième fois ce matin, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est comment elle va se dépatouiller ce matin. C'était à 6h pile avant les infos. Et c'était vraiment n'importe quoi, écoutez. Parce que je vous ai envoyé un petit message ce matin, parce que c'est vrai, je me suis tapé, mais tous les feux rouges, tous, tout mon retard. Et alors, du coup, vous commencez l'émission 2 minutes plus tôt. Non, attends, il est 6h22, excuse-moi, mais... Il est 6h22, bah alors on n'a pas la même montre, hein. Non, attends, tu m'étonnes. Mais nous, on a la bonne. Et toi, ça fait un moment que t'as pas la bonne. Ça fait quelques années. C'est pas sympa. C'est tellement vrai. J'ai décidé la semaine prochaine de m'acheter une montre. Et c'est vrai. Ah ben voilà. Ouais. Quoi, une Apple Watch ? Non, une montre normale. Tu veux pas une qui fait « Il est 8h10 » J'ai trop peur de pas être connecté. On peut y aller ? Oui, ça va, j'y sais, t'as un train à prendre. Ben oui. Numéro 2. Du coup, Maria est un peu à cran d'avoir été prise en défaut devant tous les auditeurs. Elle était borderline, écoutez. C'est moi qui ai écrit les paroles sur la fin. Ouais, mais écris tes blagues aussi. C'est pas sympa ça. Ça, c'est pas gentil ça. Mais bon, voilà. Mais tu m'as cherché aussi. Hein. Non, c'est vrai. Merci, JC. Numéro 1. Et enfin, pour terminer, Gary a enfin sorti une bonne blague. Ah, bah voilà. Et c'est sur Pascal Obispo, écoutez. Sur la blague de Gary. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a dit, si vous nous regardez sur Radio Contact en télévision, il a dit, il avait encore des cheveux, mais après, ils sont tombés pour elle. C'est pas la pire de toutes. Voilà, voilà. On peut applaudir. Bravo, Gary, elle était bien. Elle était vraiment bien. À demain, si jeune. Retrouvez les meilleurs moments du Good Morning sur radiocontact.be. Ah, depuis hier, on n'a pas cessé d'applaudir la blague de Gary. Oui, voilà. Ça, moi, je continue. Alex Germis. Sweet Afterglow sur Radio Contact. Et dans un instant, on parle du concours que vous attendez tous, le lancement du concours Lost Frequencies. Comme ça depuis hier aussi. Quand je surfe sur Internet, ça va. Quand on surfe à deux, ça va un peu moins. Quand toute la famille s'y met, ça ne va plus du tout. Pour surfer à toute vitesse, même à plusieurs en même temps, profitez de l'internet ultra rapide dans un trio Waouh ou Tatou. Pour la rentrée, vous offre un laptop Acer d'une valeur de 479€. Un laptop Acer. Plus d'infos sur vous.be ou au 0800 825. Il s'en passe des choses chez vous. Offre soumise à condition. Découvrez plus de 300 entreprises aux quatre coins du pays à la journée Découverte Entreprise le dimanche 2 octobre de 10 à 17h. Poussez les portes des entreprises participantes et apprenez-en plus sur le monde de l'énergie nucléaire, de la vigne, des drones, des soins vétérinaires, du recyclage, de la construction, des soins aux personnes. Toutes les entreprises à découvrir sont sur www.jde.be. La journée Découverte Entreprise le dimanche 2 octobre avec l'avenir.net, Trends Tendance, Proximag et la Wallonie. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise ? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et en plus, et j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Avant de démarrer une émission, il faut toujours s'assurer que tout soit allumé. Oui, 1-2-1-2, est-ce que les micros sont allumés? Oui, les micros sont allumés. Et moi aussi. Le Good Morning, ça commence à 6h. Et c'est jusqu'à 10h sur Radio Contact. Sometimes it's hard just trying to hold on. Sometimes all that you want is to go home. Sometimes you know you're stuck in the trouble. Sometimes you just keep feeling the struggle. I know I have to get up on myself. I can find a way to hide all the dreams I fell so far. Hey, to get up on myself, I can find a way to hide all the dreams I feel so far away. So far, hey, hey, I know how to get up on myself. I can find a way to hide all the dreams I feel so far away. Et c'est du belge, Alex Germis sur Radio Contact et Sweet After Glow. Assistez au showcase exclusif de Lost Frequencies avec Radio Contact. Et ça aussi, c'est du belge, c'est énorme. C'est énorme, vous allez pouvoir découvrir avant tout le monde le nouvel album de Lost Frequencies. Oui. Dans un showcase exclusif le 18 octobre à Bruxelles Airport. Imaginez l'endroit, Brussels Airport, c'est même facile à dire. C'est magnifique. Et parce puis, que t'as vu, hein, je ne rebondis absolument, pas. Hein, absolument, par le producteur. Là, mais imaginez l'endroit, Brussels Airport, Lost Frequencies, un set exclusif, showcase. Et pourquoi ils ont choisi Brussels Airport? Parce que ça fait planer. Je sais pas. Il n'y a pas d'autre salle libre. Il posera la question à l'occasion. Ouais, ok. aucune idée, vraiment aucune idée. Gagnez maintenant vos accès en répondant à la question suivante. Quel est le nom justement du nouvel album de Lost Frequencies? Oh oui, c'est facile. Vous avez la bonne réponse. Envoyez Lost par SMS, L-O-S-T par SMS en espace et la bonne réponse au 66 91, euro 10 par participation. Bonne chance. Shawn Mendes. Ah, c'est pas du belge, mais c'est bien quand même. Ouais, treat you better. Oh yeah. Better. En concert le 25 mai prochain au Palais 12 à Bruxelles avec Radio Contact, évidemment. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. Better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better. Shawn Mendes, c'est sur Radio Contact ce matin. Alors j'écoute du Miles Davis. Navi. Il écoute toujours du Miles Davis, hein. Bah il aime ça. Peut-être qu'à un moment donné. Pardon. Peut-être qu'à un moment donné, il va écouter du Lost Frequencies. Ah, qui sait? C'est pas qu'il ne sait rien faire d'autre. Désolé. Allô? Mais au standard, c'est le meilleur. Sorry. JC depuis le centre des appels du Good Morning. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour JC depuis le centre des magiques du Good Morning. Est-ce que vous écoutez du Lost Frequencies, vous? Je n'écoute que ça. Ah bah alors il faut envoyer un SMS, hein, n'hésitez pas. Ah bah c'est le mien que vous avez reçu. Ah bah voilà. Non, dites donc, j'ai ici une étude sur les rapports sexuels. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Ah bah, oui, bien sûr, oui. Toujours. Histoire de lancer un débat ou quoi. Oui. Alors, Gary vous écoute. Oui, selon une étude très sérieuse, hein, l'âge moyen pour la première expérience au lit est de 17 ans pour les hommes, ouais. 18 ans pour les femmes, mm-hmm. et 65 ans pour les réalisateurs radio. Je ne sais pas si on peut lancer un débat là-dessus ou si on peut faire quelque chose. Et il rit jaune. Petit BDM éventuellement. Voilà. Ça peut le faire. Ici, JC, depuis le centre des appels. Courage, Gary, allez. Le Good Morning avec Maria et Olivier sur Radio Contact. Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, prouve qu'on se ressemble. On se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen. La peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile. Font Herbie en coq. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. Afflige des supplices. Puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Dis-moi encore que tu m'aimes. Au fond de cette spirale, ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, tout est pétale. Alors j'écoute du Miles Davis. Radio Contact 6h24, on parlait de Lost Frequencies tout à l'heure avec le showcase à Brussels Airport. Et ben Géraldine nous parlera aéroport, ce sera tout à l'heure à 6h40. Tovi. C'est Tov? C'est comment Olivier? C'est Tovi? C'est Tov? Tov Stay? C'est Tovlo. C'est Tovlo avec Stay? Tous les jours, dès 10h, sur Radio Contact. Zara Larsson est désormais bien présente hein, sur la scène pop internationale, notamment grâce à David Guetta aussi, et à son activité sur les réseaux sociaux. Des millions de fans sur Twitter, Facebook. Il y a quelques jours, la chanteuse a ravi ses nombreux admirateurs en annonçant que son nouvel album était enfin prêt. Radio Contact. We got it. Les vendredis et samedis soirs. Contact R&B. C'est Contact R&B sur Radio Contact. This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why. This is why. This is why I'm hot. Contact R&B. Le meilleur du son R&B. Just pardon my manners. Girl, how you shake it, gotta play a light. It's a cold act, do me. Let me go and get my camera. All I wanna know is Contact R&B. What up, love mama, it's your boy Youngin. G5 dipping Louis Vuitton luggage. Ay, gotta love it, your boy so fly. And all the ladies go winning, winning, go fly. Tous les vendredis et samedis soirs, minuit, 2h du mat. It's Contact R&B. Contact R&B sur Radio Contact. Installez et découvrez la nouvelle application mobile Radio Contact. Retrouvez les derniers titres joués à l'antenne, les concours du moment et les dernières news de votre radio. Regardez Radio Contact en télévision et réécoutez les meilleurs moments du Good Morning de Pablo Andrés et Contact R&B. Retrouvez également votre horoscope et les dernières infos de votre région. Découvrez aussi en vidéo les coulisses de la radio ainsi que les interviews et sessions acoustiques de vos artistes préférés. La nouvelle application mobile Radio Contact, disponible sur l'App Store et Google Play. Chaque samedi, 19h-20h, les mix de Contact. Les mix de Contact. Sur Radio Contact. Elle a gagné grâce à Radio Contact. Tu as trouvé la bonne réponse, c'était Rome. Mais oui. Bravo. Capitale. Stade olympique, Vatican, c'était Rome, super. Bien sûr. On t'envoie les billets, comme on dit, en tout cas, on t'envoie les sous-titres. C'est une valeur de 800 euros, t'as peur de te faire plaisir. Hein. C'est laquelle la meilleure radio ? Radio Contact. You know. Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. Le Good Morning sur Radio Contact, c'est... Ah, c'est Tob. C'est Tob. J'ai dit ça. Bon, bah, c'est Tob, alors. Et c'est sur Radio Contact de 6h à 10h. fait du bien de se le réécouter, ce morceau Tovlo avec Stay High, sorti en 2014. Et on peut dire la même chose de celui qui arrive juste après le Contact News. Retour en 1998 sur Radio Contact avec The Cardigans et My Favorite Game. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Contact News. À 6h30, Pauline Laurent, bonjour. Bonjour Maria, bonjour Olivier, bonjour à tous. Coup de gueule de l'avocat de Bernard Westphal hier devant les assises de Mons. Maître Mayence a demandé la fin de l'audition des enquêteurs. Exaspéré par leurs approximations concernant la ligne du temps des dernières 48 heures de Véronique Piroton avant sa mort à l'hôtel Mondo d'Ostende le 31 octobre 2013. Le président de la Cour a d'ailleurs demandé aux enquêteurs de quitter la salle d'audience pour retravailler leur exposé. Ils sont ensuite revenus pour présenter minute par minute le déroulé des faits. Aujourd'hui, on entendra des témoins de moralité, notamment le concierge de l'hôtel et puis surtout celle très attendue de l'amant de Véronique Piroton. Pascal Auremont, cet homme a joué un rôle particulièrement trouble. Ce psychologue est entré dans la vie de Véronique Piroton en 2007. Leur relation a duré 4 ans. S'en est suivi une rupture, puis des retrouvailles quelques mois à peine après le mariage de Véronique Piroton et de Bernard Westphal. Un amant au comportement étrange. Il éclaircira peut-être aujourd'hui des faits troublants. Pourquoi avait-il dans son ordinateur 29 photos de l'accusé, dont l'une avec une croix gammée? Pourquoi gardait-il une sorte de journal intime avec des lettres et notes qui évoquaient souvent le député? Pour quelle raison a-t-il enregistré un coup de fil avec Véronique Piroton la veille du drame? Et puis, autre question, a-t-il joué un rôle dans le suicide de son amante? Bernard Westphal a déclaré, je cite, « S'il nous avait foutu la paix, Véronique serait toujours en vie. » Son audition permettra peut-être d'éclaircir certaines zones d'ombre. Toujours au chapitre judiciaire, Mohamed Amri sera entendu pour la première fois par les juges français aujourd'hui. Ses avocats belges feront le déplacement. Amri comparaît dans le cadre des attentats du 13 novembre de Paris. C'est lui qui a été chercher Salah Abdeslam à Paris après les attaques pour le ramener en Belgique. Et en parlant d'attaques terroristes, cette information du journal La Dernière Heure, l'un des représentants francophones de l'organisation terroriste État islamique aurait diffusé une liste de militaires belges auprès de 300 de ses contacts. Le porte-parole de la Défense confirme qu'une enquête est en cours et qu'elle est prise très au sérieux. Brussels Airlines rachetée complètement par Lufthansa. Le scénario est bien possible. La compagnie allemande détient déjà 45% du groupe belge. Lors d'une réunion cet après-midi, elle pourrait proposer le rachat complet pour un montant de 2,6 millions d'euros. Brussels Airlines ne devrait toutefois pas changer de nom et aucun emploi ne devrait être perdu. Il avait 93 ans et avait œuvré pendant sa vie pour la paix. Shimon Peres, prix Nobel et ancien président israélien, s'est éteint cette nuit. Il était hospitalisé depuis 2 semaines pour un accident vasculaire cérébral. Shimon Peres était l'un des fondateurs de l'État d'Israël, fervent partisan du dialogue avec les Palestiniens. C'est pour cette raison qu'il avait d'ailleurs reçu le prix Nobel en 1994. Les hommages de nombreux chefs d'État se succèdent. Barack Obama, le président américain, a salué son optimisme. Enfin, sport, football, grosse défaite des Brugeois hier lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. Le club a perdu 4-0 face à Copenhague. Bruges est donc désormais dernier de son groupe ce soir, suite de cette deuxième journée, avec notamment l'Atlético Madrid de Carrasco contre le Bayern Munich. Les prix cadeaux, le service et la qualité Krefel, c'est Krefel Bordel. Tous nos magasins sont ouverts ce dimanche. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. 6h passées de 35 minutes, on fait le point sur la météo, Pauline. Alors, de belles éclaircies ce matin dans le centre et l'est du pays. Déjà, des nuages au nord. Ensuite, cet après-midi, des nuages un petit peu pour tout le monde et de la pluie à la côte, 17 à 22 degrés. Au nord, c'était l'écho. Génial. Merci, Pauline. Prochain Contact News, ce sera à 7h sur Radio Contact. Et dans la suite, on l'a dit, Géraldine nous rejoint. On ira ensuite souffler quelques bougies dans le Brabant Wallon du côté de Gré-d'Oiseau. Morning de 6h à 10h. Belle matinée, bon réveil, c'est Radio Contact, good morning, jusqu'à 10h. La chronique de Géraldine. Avec notre Géraldine d'amour. Oh, bonjour, bonjour, Gigi. On m'a accueilli avec des Gigi d'amour. Eh ben, Chris Bicker. Comment font les chats, là? Bonjour, Marguerite. Bonjour, Olivier. Bonjour. Dites, bonjour. Dites, encore une fois, bonjour. Dites, cette année, vous n'avez pas fait de pub pour la nouvelle saison du Good Morning. Bah. Je suis un peu déçu. Non, à la télé, je vous ai pas vu, je suis un peu déçu. Si, mais fameuse. Ah ben j'ai pas été invité. Ah ben voilà, comme d'habitude, GG, on la laisse dans le vieux carton. Hein. Mais écoutez, je m'en fous, je ne suis jamais invité, ça m'intéresse pas. Parlons d'autre chose d'intéressant. Dites les cocos, il m'est arrivé une histoire cocasse lors de mon départ de vacances. Mm-hmm. Bon, vous n'êtes pas censé savoir que depuis les terribles attentats d'aéroports de Zaventem ou encore d'Istanbul, les contrôles de sécurité ont été renforcés. Oui, ça, on le sait, c'est une très bonne chose. Mais quand je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée à l'aéroport de Charleroi, on se demande si certains policiers sont là pour notre sécurité ou pour nous détendre avant de prendre l'avion. Bref, j'étais avec mon mari Jean-Jacques Gérard et nous devions passer un premier point de contrôle sous une petite tente placée devant l'aéroport. Et là, mon mari traîne un peu et donc je sors la première de la petite tente. Et bam, je me rends compte, Olivier, qu'il ne me suit pas et du coup, ben, je retourne dans la petite tente, Maria. Ouais. Et là, un policier tout de suite vient après nous et me dit « Madame, vous sortez illico ?» Ben, je lui dis « Mon brave, je suis avec ce monsieur qui est en train de se faire contrôler. Madame, vous obéissez à mon injonction, vous sortez de suite. » Mais je vous dis que je suis avec mon mari Jean-Jacques Gérard dans une pipe. Bon, il s'est énervé jusqu'au moment où un militaire est venu pour me dire « Madame, veuillez attendre votre mari à la sortie, s'il vous plaît. » Maria et Olivier, le militaire avait été très correct et très gentil. Je ne pouvais qu'obéir à ses ordres à lui. Me voilà donc dehors à attendre mon mari en râlant un petit peu quand même quand le flic revient après de moi et me dit « Tenez-vous bien, c'est du gros lourd. Je suis glacier. » Moi, de lui demander « Pardon ?» Je dis « J'ai un uniforme de glacier que je porte ou quoi ?» Non, mon ami, c'est un très bel uniforme de policier. Félicitations, monsieur. Bon, déjà, madame, tu ne me tutoies pas, d'accord? Mais je lui réponds, Maria et Olivier, que dans Félicitations, monsieur, je le vous voyais et que le tutoiement s'était tu dans la langue de Voltaire. Le petit flic en uniforme de glacier a commencé à me faire tout un laïus sur le respect à avoir face à l'uniforme. Heureusement pour moi, mon mari est vite arrivé et j'ai juste pu lui glisser, Maria. Entendu, l'ami, moi prendre avion pour vacances, youpi, et vous faire sécurité aéroport ici. Maria et Olivier, j'ai essayé d'utiliser un langage très simple tout en respectant l'uniforme comme il demandait. Bon, il l'a très mal pris, m'a regardé méchamment et est retourné dans sa petite tente. Bon, je terminerai ma rubrique en précisant, bien sûr, que tous les flics ne sont pas sortis du même képi bien que sûr, ce type. Hein. Celui-ci était tout simplement la pomme pourrie de l'arbre et avait certainement dû gagner son uniforme à la foire de Charleroi. Mais voilà, les autres sont superbes. Bon, allez, je file parce que moi, devoir partir. Je sais pas comment le dire. Bisous les cocos, you. Merci Géraldine, 6h passé de 42 minutes. Mamie sur Radio Contact avec Aloha. Et dans un instant, direction Grédoisseau pour fêter un anniversaire 21 ans. Les festivals de l'été, c'est micro, trémolo, dodo. Mais le prochain festival, c'est macro, bravo, promo. Jusqu'au 18 octobre, au Festival de Macro, vous goûtez des petits plats spéciaux, vous découvrez des produits originaux, vous recevez même deux produits pour le prix d'un cadeau. Mais surtout, vous profitez de promos mégalo. Comme cette Denver Balance Board à seulement 219€. Pour rouler à 12 km/h, c'est du gâteau. Ce vendredi et samedi, chez Macro. À bientôt. Et c'est l'ingénieur Sarah qui va construire le plus long pont du monde. Pour tous les trains. Ingénieur au chemin de fer. Hier, ton rêve. Aujourd'hui, ton job. Rejoins-nous via leschemindeferengage.be. Tong, tong, tong. J'ai presque fini. Allô? Bonjour madame, je vous appelle de 2130 pour vous dire merci de trier vos boîtes de raviolis. Oui, c'est ça. Mais si, grâce à ce que vous faites aujourd'hui, le futur est vraiment super sur Terre. Et on connaît. Oui, vous faites des voitures volantes. Mais c'est très sérieux. D'ailleurs, je suis dans un tunnel transdimensionnel et je... Quoi? Vous êtes dans une voiture volante? Maintenant? Allô? Curieux? Likez Faust Plus sur Facebook et entrez en contact avec le futur. Faust Plus, pour le futur, continuons à bien trier. Le nouveau Mercedes GLC Coupé. Un SUV puissant aux allures de coupé. Pour franchir les montagnes les plus élevées. Ou les cases vitesses dans votre rue. Pour traverser des paysages enneigés. Ou les flaques devant votre garage. Pour explorer les territoires les plus vastes. Ou le parking du supermarché. Le nouveau Mercedes GLC Coupé. Pour tous les tours et détours. Découvrez-le dès maintenant chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Moi, sur mon pot Nutella, j'écrirai je t'adore. T'es canon ou quelle biche. Coco pour tous mes petits loups. Beau gosse pour mon copain. Je mettrai un bisou parce que j'adore les bisous. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. Psst, encore un mot. Ce vendredi 30 septembre, vous êtes les bienvenus jusqu'à 23h chez Macro. Regardez vite sur macro.be comment recevoir un dîner gratuit dans notre resto. On n'a peut-être pas gagné l'euro, mais le Good Morning est toujours là. Et ça, ça mérite une hola. Maria et Olivier sont de retour dans le Good Morning sur Radio Contact. C'était Mommy avec Aloha, bon réveil. L'infotrafic avec Aurélie. Il y a déjà des files pour rejoindre Bruxelles sur la E40. Vous perdez une quinzaine de minutes entre Alost et Ternat en venant de Gand. Le trafic est déjà dense aussi en venant de Namur sur la E411 à l'approche du carrefour Léonard. Sur la E19 en venant de Mons entre Feluy et Arken. Il y a déjà quelques ralentissements également sur la E429 Tournai Bruxelles à hauteur de Hal. Et puis dans le Hainaut, c'est une bonne nouvelle, hein, la A54 vers Nivelles est réouverte depuis hier soir, peu après 23h. L'autoroute est restée fermée tout toute la journée hier à cause de l'accident qu'il y a eu. Avec les graviers et tout ça. Le mazout et tout, c'était grosse galère. Jusqu'à au moins 20 heures, je pense. Hein. 23 heures. Oui. 23 heures. 23 heures. Et finalement, ils ont dû refaire le tarmac ou pas? Oui, une partie, je pense, galère. C'est galère. Oh purée, pauvre. Bon, et la bonne nouvelle, c'est que ce sera pas pire aujourd'hui. Donc, vous êtes cool, vous êtes tranquille. 6h49, patience, prudence et bonne route. On revient dans un instant pour l'anniversaire. Le Good Morning revient juste après ça. La hauteur de vos ambitions, c'est votre choix. ING fait tout pour le rendre possible. Comme pour Léa et Hugo, fans de science-fiction. Léa rêve de visiter un Space Center, Hugo voit plus loin. Il a acheté sa place à bord de la navette qui partira pour Mars en 2023. Les débuts d'une relation à distance, de longue durée. L'ING Lion Account gratuit est le compte à vue qui vous permet de gérer votre argent où que vous soyez, même sur Mars. Demandez-le maintenant. Infos et conditions sur ing.be. Radio Contact, 6h50, je viens de tomber sur un article de quelqu'un, vous savez, vous connaissez ma passion pour les Tesla, oui. Quelqu'un qui a imaginé un prototype de Tesla Model S corbillard pour des funérailles zéro émission. Mais je me dis, faut pas choisir l'incinération, sinon le concept tombe à l'eau. Allez, bonne celle-là. Allez, patience, prudence et bonne route. Ça me parle pas, moi. C'est vrai. C'est juste. Les funérailles zéro émission. Ouais. Allez boire un café tous les deux et puis rigoler de votre blague, quoi. Tu vois. À propos de zéro émission, on continue. Faites plaisir à vos proches grâce à Nutella et au Good Morning. Non, on aurait dû dire émission zéro plutôt. Oui. Tu l'as foiré. C'est con, pas boire de café finalement. 6 heures passées de 50 minutes avec nos amis de Nutella. On vous offre depuis la semaine dernière déjà la possibilité de faire plaisir, évidemment, en passant l'antenne, en souhaitant un bon anniversaire et en plus en offrant un pot de choco Nutella avec le petit message que vous aurez décidé de mettre dessus. Voilà, et en plus le gros pot, quoi, tu vois? Le big pot. Ouais. 21 ans aujourd'hui et elle s'appelle Manon, figurine. Ah oui, avec un prénom de praline, évidemment, on peut qu'aimer le Nutella. C'est vrai. Allô? Oui, allô? Bonjour ma petite praline. Mais comment va notre petite Manon, toute sucrée? Oula. Ça va, Manon? Oui, mais je vois pas qui c'est, en fait. Ah, bah c'est ça le souci. Attends. On appelle. C'est bien ton anniversaire aujourd'hui. Oui, c'est mon anniversaire. 21 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu es bien la fameuse Manon de Grédoisseau. Oui, c'est ça. Ah, Germaine. C'est toi, Germaine? Oh là là là là. Ah ouais. Et tu connais Simone? Ah oui, bah Simone d'amour, oui. Voilà, c'est une histoire de surnom, comme on dit. Manon, tu as deviné, tu as compris plus ou moins qui t'appelle ce matin? Mais je suppose une radio ou... Ah, alors là, attention. Ouais, fais gaffe, Manon, je te jure. Gary, est-ce qu'on peut éventuellement baisser la musique, puisque là, le moment est très important. Quelle est la meilleure radio qui t'appelle ce matin? Oh, la question. Radio Contact. Ah mais oui. Je ne comprends même pas la petite hésitation que tu as eue. Manon, bon anniversaire, ma belle. Merci beaucoup. Alors, on a quelqu'un qui t'a fait passer à l'antenne ce matin et qui nous a donc confié que vos petits surnoms en tant que meilleurs potes étaient Germaine et Simone. Nous avons Simone, alias Manon aussi, en fait. Ah oui. Voilà. Elle s'appelle Manon. Oui, c'est ça, c'est Manon aussi. Eh ben voilà, bonjour Manon. Bonjour. Manon, on te laisse avec Manon, vas-y. Mais voilà, mais pour te demander un nom, je me demandais si t'allais répondre. Parce que c'est comme vous connaissez. Et du coup, je me suis dit que pour tes ventes, c'est quand même drôle ce qui se passe à la radio. Et donc voilà, et je te souhaite un joyeux anniversaire et à mon avis on fêtera bien ça ce soir. Oui, merci beaucoup, t'es la meilleure. Ah, vous êtes trop mignonne. Et alors, comme on le disait, Manon, de qui c'est l'anniversaire, on va dire Germaine, pour ton anniversaire, Nutella te gâte avec un pot customisé rien que pour toi et Simone a tenu à marquer dessus pour Germaine. Voilà, tu auras ton pot. Oh, mon pot de Nutella, c'est la joie. Voilà, vu que t'adores ton pot de Nutella, je me suis dit que c'était la bonne occasion aussi. Eh bien voilà, on vous embrasse, Germaine et Simone. Merci beaucoup. Merci. Les filles. Au revoir. Salut, ciao. Dites-le avec Nutella. Pour créer vos messages, rendez-vous vite sur Nutella.com. Il est 6h53 minutes. On est mercredi et Patricia Millis est là avec l'horoscope. Bonjour Patricia. Bonjour tout le monde. Bélier, ne vous laissez pas influencer par les apparences car celles-ci sont souvent trompeuses. Taureau, vous vous sentez mal à l'aise émotionnellement et sentimentalement. Que vous arrive-t-il ? Gémeaux, si vous continuez à regretter les décisions qui ont été prises, vous n'avancerez pas. Cancer, attention à la distraction, notamment si vous devez vous déplacer, vous n'êtes pas à l'abri d'un petit souci. Prudence. Lion, ne vous laissez pas aller à des dépenses somptueuses, restez très prudent dans ce secteur. Vierge, les sentiments sont révélateurs, vous faites fi des petites peurs et osez aborder l'autre sans crainte. Balance, ne laissez pas les émotions vous envahir, restez fort en toutes circonstances, vous en êtes tout à fait capable. Scorpion, Vénus et Lune s'entendent, des liens doux et tendres se créent, vous vous sentez heureux et très épanoui. Sagittaire, si vous restez à l'écart des ringots au boulot, vous passerez une excellente journée. Capricorne, les voyages et les vacances sont loin et pourtant vous y pensez sans cesse, nostalgie quand tu nous tiens. Verseau, respectez les budgets, vous montrez-vous très vigilant au niveau des dépenses en évitant tout débordement. Poisson, les émotions vous submergent et cela vous déstabilise, croyant en votre pouvoir et ne vous laissez pas influencer par les autres. Excellent mercredi à tous. Pareil pour toi Patricia, merci beaucoup. 6h passées de 55 minutes, c'est Radio Contact et tout va bien. Dans un instant, c'est Contact News. C'est pas ça que je devais dire. Après cœur de pirate. Après cœur de pirate, voilà, tout à fait. Téléguidé. Absolument. Ce week-end, Maison Blavier ouvre toutes ses maisons témoins. Venez poser vos questions à nos experts. Plus d'infos sur blavier.be. Maison Blavier. Etias, bonjour. Bonjour madame, je viens de rentrer dans une autre voiture. Rien de grave, monsieur ? Non, j'ai juste mes trois enfants qui reviennent de l'école et une voiture qui ne roule plus. Écoutez, le dépanneur sera là dans moins de 30 minutes. C'est rapide, ça, j'aurai pas le temps de faire les devoirs. Les devoirs ? Mais oui, pour une fois que j'ai les trois enfants bien assis et qui peuvent pas s'échapper. Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. C'est ça! Pour le 25e anniversaire d'Intermarché, profitez d'une offre croustillante! À l'achat d'une baguette de 250 grammes cuite sur place, recevez-en une gratuite! Soit seulement 69 cents les 2 baguettes! Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Excusez-moi, oui? La Peugeot 208, là, le parc assist, elle l'a? Elle l'a. Et la caméra de recul, elle l'a? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a l'Active City Break et elle a le Mirror Screen aussi. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Ah oui? Ah bah oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles et de l'offre 50-50. 50% de remise sur 100% des options. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Radio Contact en télévision est aussi disponible sur l'application Radio Contact. Visionnez le live de nos studios et profitez des clips de vos artistes préférés. L'app Radio Contact à télécharger gratuitement sur l'App Store et l'Android Market. Du lundi au vendredi, 16h-20h sur Radio Contact, c'est David Antoine. Tout le monde a noté que David Antoine avait genre 50 tactiques de drague. C'est normal, en même temps, j'ai 34 ans au bout d'un moment. Bah, ouais, c'est vrai, t'as un peu de vécu, hein, Thibaut, c'est vrai. Bah ouais, je suis comme toi, David. Okay, <c'est vrai. rire> David Antoine, 16h-20h sur Radio Contact. Il a gagné grâce à Radio Contact. T'as bien répondu apparemment à cette question. Combien de petits déjeuners offrons-nous ce matin? La réponse était 500. Yes! Bravo! Yes! C'est gagné! Merci. Bravo! 500 euros chez Ikea. Et franchement, à vous, c'est bonheur, hein. Surtout que, connaissant les prix d'Ikea, avec 500 euros, tu repars, mais avec une montagne de trucs, quoi. Un plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact! Gaëtan, tous les jours dès 10h sur Radio Contact. Zara Larsson est désormais bien présente sur la scène pop internationale, notamment grâce à David Guetta aussi, et à son activité sur les réseaux sociaux. Des millions de fans sur Twitter, Facebook. Il y a quelques jours, la chanteuse a ravi ses nombreux admirateurs en annonçant que son nouvel album était enfin prêt. Radio Contact. Pour veiller à la discipline dans le Good Morning, on a l'agent Verhagen. Et là ? Enchanté. Ça va, grand chef. Ça va et toi? Ça roule. Ne me tutoie pas, hein, d'accord? Et si tu ne ris pas, je te rembourse. Hein. En même temps, t'as pas payé, donc... Bon, pas de risque. Ah, tu te mères et tu fermes ton clapet, ça va? Ça va. Le Good Morning, c'est jusque 10h sur Radio Contact. On défie l'ennui. Du monde nous crée. Le soleil s'éteint sur nos destins. Pirates sur Radio Contact et oublie-moi. Hello tout le monde, bienvenue, belle journée. Il est 7h. Contact News. Avec ce matin, Pauline Laurent. Bonjour Pauline. Bonjour Olivier, bonjour Maria, bonjour à tous. Un génie au grand cœur, l'un des plus ardents défenseurs de la paix, Shimon Peres, salué ce matin par de nombreux hommes politiques. Le prix Nobel de la paix et ancien président israélien est décédé cette nuit. Il avait 93 ans. Il était hospitalisé depuis 2 semaines pour un accident vasculaire cérébral. Shimon Peres était l'un des fondateurs de l'État d'Israël. Il avait toujours soutenu un dialogue avec la Palestine. On reviendra en détail sur sa vie dans une demi-heure avec Corentin Simon. C'est un moment très attendu au procès Westphal. Aujourd'hui, les témoins de moralité doivent se succéder à la barre avec notamment à 14h l'audition de l'amant de Véronique Piroton. L'homme a joué un rôle ambigu. Il a notamment été en contact par téléphone avec la victime la veille de sa mort le 31 octobre 2013 à Ostende. Marie-Christine Marguem, la ministre de l'énergie, fera tout pour récupérer le montant de la redevance due par Engie, Electrabel et EDF pour la prolongation de la centrale de Tihange 1. Un montant qui s'élève à 3 millions d'euros. Elle l'a promis hier devant les parlementaires en commission économie de la Chambre. La CREG, la commission de régulation de l'électricité et du gaz, a également accepté de communiquer ses rapports sur le calcul de la redevance. Plus de 98% des élèves germanophones étudient une langue étrangère en primaire, souvent le français. Une information confirmée par le ministre germanophone de l'enseignement, alors qu'en Belgique, seuls 4 élèves sur 10 apprennent une seconde langue en primaire. Et en parlant enseignement, focus sur l'opération ouvrir mon quotidien. Une opération qui permet aux écoles de recevoir la presse toute l'année. Objectif, développer l'esprit critique des enfants dès la 5e primaire. L'an dernier, près de 90% des écoles secondaires et 50% des écoles primaires avaient participé en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Aurélie Depré de la presse.be à l'origine de l'opération. C'est très simple. Au niveau de l'opération, vous venez sur notre site internet www.lapresse.be. Vous remplissez un petit questionnaire. On vous demande le nom de l'école, l'adresse de l'école. Et alors, on demande le nom d'un professeur relais, d'une personne relais dans l'école qui s'occuperait de diviser les journaux, de les distribuer parmi les classes et parmi les professeurs souhaitant participer. Et une fois que vous avez fait ça, et bien tout simplement, nous vous envoyons les journaux et vous les recevez tous les matins dans votre boîte aux lettres. Alors, vous recevez La Libre, la DH, Le Soir, Sud Presse, L'Écho et L'Avenir. Une interview de Valérie De Winter. Enfin, en football, Bruges n'a rien pu faire hier face à Copenhague lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. Le club a été lourdement battu, 4-0. Les Brugeois sont désormais derniers du classement. Ce